je vous hais. Parce que vous n'êtes pas gentil, je vous hais. Parce que vous n'êtes pas joli, je vous hais. La guerre n'est jamais finie, je vous hais. Vous ne serez jamais mes amis. D'ailleurs des amis, je n'en ai pas, je n'en veux pas, hein, car je déteste l'hypocrisie. Je vous hais, je vous hais, parce que vous êtes un ennemi. Je vous hais, je vous hais, parce que vous n'êtes pas poli. Je vous hais, je vous hais, parce que vous n'êtes pas Sophie. Je vous hais, vous ne serez jamais mes amis. D'ailleurs des amis, je n'en ai pas, je n'en veux pas, car je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie.